Michel Nibigira. La mise en onde est assurée par Séraphine Hakidimana. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes le 13e jour du mois d'août 2019. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée dont voici d'abord l'essentiel. 15 ans jour pour jour après le carnage contre les réfugiés congolais de la communauté Banyamuring en zone Gatumba, les représentants de cette communauté réclament toujours justice afin que les auteurs de ce crime soient traduits devant les juridictions compétentes et vous l'entendrez. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dit être à l'œuvre afin de maîtriser les cas d'intolérance politique qui s'observent à travers le pays à la veille des échéances électorales de 2020. La vice-présidente de cette commission s'est exprimée lors d'un atelier organisé pour les membres de la société civile et les éléments de sécurité afin de renforcer leurs capacités. Au sommaire également, les agriculteurs de la plaine Gihanga, Prince et Bobanza demandent la relance des travaux de construction du barrage hydro-agricole de Kajeke afin qu'ils puissent irriguer leurs champs, des travaux qui vont commencer avant la fin de cette année selon le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions qui annonce également une enveloppe de 22 milliards y allouer. Vous entendrez également, comme vous en avez l'habitude aujourd'hui, tous les mardis, vous avez droit à la chronique santé et aujourd'hui, l'on vous parle du traitement des hépatites virales. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, droits de l'homme. Pour débuter ce journal, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, déclare que les cas d'intolérance politique qui s'observent dans le pays ne sont pas de nature à généraliser. Consolate Abimana, vice-présidente de cette commission, indique que la CNDH est à l'œuvre pour maîtriser la situation en vue de bien se préparer aux élections de 2020. Il a dit ce mardi dans un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des forces de l'ordre suivi. Comme vous le savez, là où il y a la société, il doit y avoir nécessairement des malentendus. Des gens peuvent avoir des choses de cette part ou de l'autre auxquelles ne peuvent pas donc se convenir. Donc, au cas où de tels genres de cas se produiront, donc la commission est là. Si la commission est saisie, il va intervenir et il va agir dans la limite des missions assignées par la loi qui la régisse. La CNDH, comme tout acteur aux droits de l'homme, n'a pas été indifférent face à cette situation. Il a agi et il a constaté que ce sont des malentendus entre donc liés à la violation de la procédure. Donc, dès que la commission y est arrivée, donc la situation a été renormalisée. C'était tout simplement parce que il y avait la violation de la procédure seulement. Il n'y a que le seul instrument, il n'y a que les codes. De toute façon, pour toute personne qui est appelée à protéger les droits de l'homme, il sait bien qu'il doit s'enquérir de la situation. Si par exemple il est saisi par un requérant, il doit vérifier ses allégations, il doit vérifier, il va se rendre sur tel, il doit analyser les informations. Au lieu de prendre une information comme une vérité, il faut d'abord vérifier sa véracité et s'enquérir si c'est vrai ou faux. Il faut aussi prendre le temps pour s'entretenir avec et la victime et celui qui est présumé, donc l'auteur de l'action. Et les 12 personnes arrêtées à Boutan, commune et Prince et Bururi ce dimanche, soupçonnées de tenir une réunion politique clandestine, sont locataires de la prison centrale de Bururi depuis le soir de ce lundi. Si le procureur général a pris la cour d'appel de Bururi qui en a décidé ainsi après les avoir interrogés, disent certains membres de leur famille. Et un brigadier de police de première classe est basé au commissariat communal de Gihanga, Prince et Bobanza, accusé d'avoir battu une personne à mort la semaine passée, a été acquitté par le tribunal de grande instance de cette province ce lundi. Les plaintes déposées par la famille de la victime contre son brigadier de police n'ont pas été considérées par les juges. La famille de la victime prévoit interjeter appel. Après une courte pause, on passe en page agriculture. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page agriculture, comme je vous le disais, à 13h02. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via le www.isanganiro.org, mais également en live sur Facebook. Il suffit d'aller sur Facebook et écrivez Isanganiro Burundi. N'oubliez pas de liker. Les habitants de la plaine de Gihanga, dans la province de Bubanza, se lamentent de faibles récoltes de la saison culturelle. C'est suite au manque d'eau d'irrigation. Ils indiquent que le peu d'eau disponible cause souvent des conflits entre les cultivateurs qui demandent aux autorités de relancer le projet de construction de barrages hydro-agricoles de Kajeke afin de résoudre ces problèmes d'irrigation des champs pendant la saison sèche. Espèce Caritas, Kabanyana correspondance. Les habitants de la plaine de Gihanga qui en sont capables ont acheté des motopompes pour remonter l'eau à partir de la rivière et irriguer leurs champs. D'autres, ayant des champs tout près de la rivière Kajeke, sont contraints de tracer de profonds canaux d'irrigation, mais déplorent toujours de faibles quantités de récoltes, tandis que ceux qui sont éloignés de cette rivière ne cultivent pas pendant la saison sèche suite au manque d'eau. Les conflits dans le partage d'eau d'irrigation dans cette plaine de Gihanga se font souvent remarqué selon les cultivateurs contactés. Si le projet de construction du barrage hydro-agricole de Kajeke avait réussi, tous ces problèmes liés au manque d'eau d'irrigation auraient été résolus, comme le disent les habitants de Gihanga qui demandent aux autorités de relancer ce projet. Il y a à peu près 8 ans qu'on avait commencé la construction du barrage hydro-agricole de Kajeke, mais ces dispositifs se sont écroulés avant la fin de la construction, ce qui a coûté à peu près 13 milliards de francs burundais. Il était prévu que ce barrage hydro-agricole devrait irriguer 3000 hectares de la plaine de Gihanga. Spes Caritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Et à ce sujet, 22 milliards de francs burundais ont été mobilisés, dont 14 qui seront donnés par le Japon, des fonds destinés à la reconstruction du barrage hydro-agricole de Kajeke. Pour irriguer la plaine de Limbo, annonce de Deogi Derurema, ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Il affirme que ces travaux de reconstruction vont débuter avant la fin de l'année en cours. Suivi. Le barrage de Kajeke a connu, comme vous le savez, beaucoup de difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que au niveau du ministère, nous avons donc finalisé une étude qui montre à suffisance toutes les malfaçons qui ont eu lieu dans la gestion, la construction de l'ancien barrage de Kajeke. Et nous venons aussi de finaliser les DAO qui vont nous permettre de choisir les entreprises qui vont exécuter le nouveau barrage de Kajeke. Et nous sommes en train de procéder, de demander au marché public de nous autoriser, de déterminer ces entreprises qui vont reconstruire le barrage de Kajeke. Au niveau du gouvernement, nous avons déjà disponibilisé 8 milliards de francs avec la coopération japonaise et à travers le don riz japonais. Nous avons une environ de 14 milliards. Vous voyez que nous sommes sur de bonnes pistes. Et avant la fin de l'année, le barrage de Kajeke sera en train d'être reconstruit encore une fois. Non loin de Kajeke, la production agricole en commune Rugombo pourrait tripler selon les prévisions du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Chibitoke suite à l'augmentation de la superficie irrigable évaluée à 3000 hectares. Les bénéficiaires saluent ce programme qui a permis la rentabilité de leur propriété. La responsable de ce bureau demande aux bénéficiaires de mieux suivre les canaux d'irrigation. Alexine Daïla-Guidje, correspondance. Ces canaux d'irrigation qui permettront l'augmentation de la production estimable au triple en commune Rugombo vont irriguer la superficie de 3000 hectares selon la directrice du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, Béatrice Nyabenda. Ces canaux d'irrigation dans certains endroits sont fonctionnels. Béatrice Nyabenda affirme que les bénéficiaires vont en profiter en cultivant 3 saisons par an sans se soucier des aléas climatiques, ce qui permettra l'augmentation de la production selon toujours cette autorité. Les bénéficiaires contactés, c'est la satisfaction. Ils indiquent qu'ils vont en profiter, surtout si le riz, l'oignon, la tomate, le haricot, le maïs et autres. La directrice du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage demande aux bénéficiaires de bien suivre les conseils des associations qui vont contrôler ces canaux d'irrigation et surtout de les prendre comme les leurs. Signalons que les bénéficiaires vont payer des contributions pour le travail de curage de ces canaux aux associations qui sont chargées du suivi des activités sur ces canaux. Depuis Chibitoke, Alexine Daïla-Guidje, Radio Isanganiro. Merci Alexine Daïla-Guidje. Toujours agriculture, mais cette fois-ci au sud du pays, plus de 90% des unités d'extraction de l'huile et de palme ne rejettent plus les effluents dans les ruisseaux et cours d'eau. Se jetant dans le lac Tanganyika, Festus Chidza, représentant de l'association pour la promotion de palmiculteurs du Burundi, explique cette avancée par la prise de conscience que ces effluents constituent une fumure organique de bonne qualité. Jean-Pierre Misako. Les effluents de l'extraction de l'huile de palme après refroidissement, peuvent être directement canalisés pour fertiliser les palmeraies ou collectés dans un bassin pour se solidifier et être utilisés par après comme fumure organique dans différents champs de culture. Dans ces conditions, la production agricole augmente sensiblement, dit Festus Chiza, président de l'Association pour la promotion des palmiculteurs au Burundi. La prise de conscience que déverser en désordre dans la nature les effluents est une perte d'argent a en grande partie contribué à stopper la pollution des eaux des ruisseaux et cours d'eau se jetant dans le lac Tanganyika. Même s'il reste encore quelques réticences, Festus Chiza dit qu'une benne de la fumure de ces effluents coûte entre 40 et 50 000 francs burundais. Et selon lui, il ne reste que le soutien du gouvernement burundais dans la recherche de l'identification des sels minéraux de cette fumure pour la vendre à sa juste valeur au profit des palmiculteurs. Emmanuel Ndorimana, secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, qui a lancé en collaboration avec l'OHP la campagne de lutte contre le rejet des effluents dans les ruisseaux et cours d'eau se jetant dans le lac Tanganyika, se dit être satisfait du pas franchi 5 ans après. Il appelle les récalcitrants à rattraper le train en marche. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Parlons cette fois-ci genre. Le nombre de filles et femmes journalistes est très bas, que ce soit les présentatrices du journal, les reporters, les réalisatrices ainsi que les personnes sources. C'est le contenu du rapport présenté ce mardi par le Conseil national de communication. Nestor Wanghumokunzi, président du CNCN, dit que l'équilibre genre doit être une obligation essentielle. Santé, cette fois-ci, le programme national de lutte contre le sida dit avoir adopté la réduction de dépistage volontaire du VIH pour privilégier le dépistage ciblé. Le directeur de ce programme explique que le dépistage en masse fait que les hôpitaux utilisent beaucoup de tests pour le dépistage, avec en revanche peu de séropositifs. Comme résultat, puisque la séroprévalence a passé de 6% en 2010 à 0,9% en 2017, Dr. Eminda Idzeye indique que cette nouvelle stratégie permettra de détecter beaucoup de cas de séropositifs plutôt que de dépister en masse. À propos de la carence de préservatifs, le directeur du PNLS fait savoir que c'est dû aux problèmes techniques, mais que cette question est en train d'être résolue. Suivez le docteur directeur du PNLS. C'était un problème technique parce que au niveau de la centrale d'achat à la Kamebo, il y en a en grande quantité. Il y avait un problème par rapport à l'approvisionnement parce que on avait exprimé la demande à la Kamebo au moment où il faisait les inventaires. Et quand on fait l'inventaire, il n'y a pas de secteur qui est autorisé à venir s'approvisionner parce que ici à la Kamebo, il prend soin à aviser bien avant pour que le secteur se prépare pour qu'il vienne faire des réquisitions avant de démarrer les inventaires. Alors il y avait une erreur qui devrait faire les approvisionnements. Ils n'ont pas su attendre cette information. Mais je tranquillise maintenant, nous sommes en train d'approvisionner au niveau des provinces, au niveau des régions, au niveau des provinces, via la Croix-Rouge. Et là, on espère que d'ici peu, la situation va se normaliser. Mais quand même, ici, on doit souligner que nous sommes en train de veiller à ce que le circuit d'approvisionnement des préservatifs suive le même circuit d'approvisionnement des autres intrants, des médicaments, pour qu'il y ait un bon suivi. Ça veut dire que ça devait suivre le circuit de la Kamebu vers le district, et puis des districts vers les sécurité sanitaire et finalement la sécurité sanitaire vers la communauté, et ça va nous permettre aussi de faire le suivi. Donc on va s'attirer à ça. Je l'avais dit en titre, la communauté de Banyamulenge demande à tout un chacun d'aider afin que justice soit faite pour plus de 160 Banyamulenge tués à Gatumba, en commune de Mutimbuzi, en date du 13 août 2004. Le représentant de cette communauté, dans les cérémonies marquant la 15e commémoration de ces tueries, Dr. Lazare Sebitereko, a indiqué que la justice n'est pas aujourd'hui à réclamer du côté de l'État burundais, congolais ou l'OHCR. Robin Niyonkuru. Dans les cérémonies de commémoration du 15e anniversaire de l'assassinat de 166 Congolais, dont la plupart étaient de la communauté de Banyamulenge, le représentant de cette communauté dans ces cérémonies a indiqué que tout un chacun peut aujourd'hui s'impliquer pour réclamer justice à cette communauté et que la réconciliation n'empêcherait même pas à la justice de faire son travail. Dr Lazare Sebitereko, élément. Bon, je crois que la réconciliation et la justice vont ensemble. Et la réconciliation ne dit pas que la justice n'est pas rendue. Et la justice, pour moi, n'est pas seulement emmener quelqu'un dans un centre correctionnel, mais plutôt une justice, ça commence par soi-même. Certains des rescapés dénoncent l'inaction de certaines communautés internationales comme l'Union européenne, mais ils disent qu'ils vont toujours honorer les mémoires de leurs. We remember you by your names. Those of us that you left behind, we remember you every day. And we'll never cease to remember you. En 2015, certains des présumés impliqués dans ce crime ont été entendus par la justice burundaise. Cette communauté dit ignorer aujourd'hui l'état des lieux de ce dossier. Bon, je crois que je vais plutôt vous donner ce devoir d'aller demander. Vous connaissez là où la justice est, vous connaissez là où la cour est, et vous connaissez qui est responsable de ça. Peut-être vous pouvez aller demander. Docteur Lazare Sebitereko voit le soutien des gouvernements burundais et congolais dans ces cérémonies, même s'ils ne marqueraient pas leur présence physique. Si nous sommes ici, d'abord c'est à cause du gouvernement du Burundi qui nous a permis de commémorer. C'est-à-dire si le gouvernement n'était pas conscient de ce qui s'est passé, n'aurait pas donné cette autorisation. Et même au niveau du gouvernement congolais. Parmi les 166 tués figurent 144 victimes de la communauté Banyamulenge et 12 de la communauté de Babembe. Radio Isanganiro, chronique santé. Les médicaments qui traitent le VIH-Sida sont les mêmes utilisés pour l'hépatite B. La spécialiste des maladies de foie indique que le patient peut guérir une fois qu'il prenne régulièrement les médicaments pour l'hépatite C. Dans la chronique santé précédente, nous avions parlé des symptômes de l'hépatite qui s'observent en trois phases. Docteur Caritas Nahimana explique que le patient peut avoir le cancer lorsqu'il a déjà atteint la troisième phase. Chronique santé, c'est avec Ornella Mouch. Le test en laboratoire pour la maladie de l'hépatite est fait à partir d'une goutte de sang prise au bras. La spécialiste des maladies de foie, Dr Kaitas Nahimana, nous l'explique. C'est une pathologie de diagnostic très facile. En 15 à même 20 minutes, vous connaissez que vous êtes malade ou que vous n'êtes pas malade. Une fois que le patient est déjà atteint de l'hépatite, différents traitements sont faits selon le virus trouvé. Dr Nahimana l'explique encore une fois. Pour l'hépatite virale B, il y a des traitements qui en fait font partie du paquet qu'on donne pour le traitement des malades VIH+. Mais le problème, c'est que pour ce traitement, quand on le commence, on ne l'arrête pas. Vous avez 30 ans, vous aurez encore 70 ans à vivre avec le traitement pour l'hépatite virale. Espérons que dans les temps à venir, il y aura du progrès. Mais tout de même, c'est un traitement qui permet d'éviter les grosses complications. Pour l'hépatite virale C, il y a un traitement qui est bien toléré. Contrairement au traitement qui s'administrait dans les temps passés, le traitement pour l'hépatite C se donne en un seul comprimé par jour pour un délai de 12 semaines et on a plus de 90% d'efficacité. Selon elle, le patient peut atteindre le cancer s'il ne se fait pas soigner à temps. Le problème, c'est ce retard de diagnostic. Un malade qui vient avec une ascite, une cirrhose hépatique, il est en phase de complication. En phase de complication, malheureusement, on ne peut qu'arrêter la progression, mais il n'y a pas de phase retour. Donc, les lésions, l'aspect hépatique est irréversible. Donc, à ce moment-là, c'est les complications. C'est la cirrhose, c'est le cancer. C'est aussi l'aspect financier de cette prise en charge. Quand vous êtes cirrhotique, vous faites suivre sur 5 ans, il y aura une grande consommation en termes de médicaments, il y aura une grande consommation en termes de tests biologiques, il y aura une grande consommation par rapport à l'absence, l'absentéisme au travail. Cette spécialiste souligne que le vaccin contre l'hépatite B est le meilleur moyen de prévention contre cette maladie. Tout le monde devait en fait être vacciné pour l'hépatite virale B, pour ceux qui ne sont pas encore contaminés. C'est aussi l'accessibilité, rendre gratuit les moyens diagnostiques, mais aussi les traitements. La charge virale reste faite dans le privé et ça va au-delà de 300 000 francs bourg. Donc ça, c'est aussi un aspect limitant à l'accessibilité de ce traitement. Si encore, avec la mutuelle de la fonction publique, on peut peut s'acheter ces traitements pour l'hépatite C avec en moyenne 120 000 francs par mois. Ce n'est pas tout le monde non plus qui y a accès. Donc, un appel vibrant pour rendre accessible les moyens de diagnostiquer les traitements. Docteur Caritas Naïmana conseille aux femmes enceintes de se faire dépister de l'hépatite. Elle conseille toutefois aux gens de consommer peu ou d'arrêter totalement la consommation de l'alcool pour diminuer les risques d'atteinte de l'hépatite. Docteur Naïmana finit par suggérer l'instauration des nouveaux systèmes de séparation des déchets comme les appareils perçants à la peau à part. Merci, on est là, Mocho. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine Kidimana pour la mise en onde. Deli Nibel Nibigila, je vous l'ai présenté. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.